saluons chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Nous ne cesserons jamais de dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Si nous sommes vivants, c'est seulement par sa grâce. Si nous avons mangé, c'est seulement sa grâce. S'il n'y a pas une mauvaise chose qui nous est arrivée, c'est seulement par sa grâce. Alors nous ne saurons pas être ingrats. Nous disons Seigneur, merci pour tout. Levons-nous pour la lecture de la parole. Ouvrons nos Bibles dans la Genèse 16. Ma Bible à yetu, kitabu ya mwanzo sura 16. Genèse au chapitre 16. Mwanzo 16. Verset 11-12. Musara 11, 12. Et nous prendrons la Genèse 27. Prenez le verset 34 jusqu'au verset 41. Notre Dieu et notre Père. Mungu wetu na baba yetu. Merci pour tout. Aksanti kwa yote. Nous n'avons même pas de termes pour exprimer notre gratitude. Atunata na misemo njoo kuonesha mashukrani yetu. Tu fais des choses pour nous au-delà de notre entendement. Uko nafanya vitu kwetu kushindia hata kuelewa kwetu. Nous avons des solutions là où un homme ne pouvait pas nous les donner. Tuko na majibu fazile mtu hawezi kutupatia hayo. Tu nous protèges contre les mauvaises choses. Unatulinda kwa mabitu vibaya. Comme nous marchons comme des aveugles. Vile tunatembea kama vipofu. Si tu avais l'occasion d'ouvrir à chacun de nous l'œil pour voir. Kama kwa kuna ile bahati ya kufungua kila mmoja wetu macho juu aone. Les dangers que nous avons échappés depuis le matin. Ma hatari ile tuliepuka tangia asubuhi. Et comment ta main puissante nous a protégés. Na vile mkono wako ya uwezo ulitulinda. Seigneur, nous serions dans la joie. Bwana tungekuwa katika furaha. Et nous glorifierons ton nom. Na tuka tungetukuza jina lako. Maintenant, Seigneur, pour tout cela, nous te disons merci. Sasa Bwana juu ya yote tunasema tu asante. Effectivement, c'est ce que tu as fait. Hakika ndio kile ulifanya. C'est toi qui es l'ange qui campe autour de ceux qui le craignent. Ni wewe malaika unakupika kampi kando kando wote wanakuogopa. Nous sommes venus ce soir pour nourrir nos âmes. Tunakuja mangaribi leo juu ya kulisha manafsi yetu. Sois l'interprète de ta parole. Uwe mtafsiri wa neno lako. Aide-nous à devenir de véritables chrétiens. Ou tu sais dire tout pour le Christ va quelli. Ôte en nous la haine. Ndoshandanie tuchuki. Et sème en nous ton amour. Na panda ndani yetu mapendo yako. Bénis chacun de nous. Bariki kila mmoja wetu. Révèle-nous tes voies. Utufunulie majina manjia yako. Au nom de Jésus-Christ. Jina Bwana Yesu Kristo. Nous te prions ainsi. Nakulomba hivi. Amen. Amen. Genèse 16 verset 11 12. Kitabu ya Mwanzo 16 mstari 11 mpaka 12. Pouvons commencer au verset 10. Mwanzo kuanzia ta mstari ya 10. L'ange de l'Éternel lui dit. Malaika wa milele akamwambia. Je multiplierai ta postérité. Tazidisha uzao yako. Et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Ina itakuwa ya mingi sana hautaweza kuihesabia. L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Verset 12, il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous. Et la main de tous sera contre lui. Il sera en guerre continuellement avec ses frères. Et il habitera en face de ses frères. Genèse chapitre 27. Verset 34. Lorsque Ésaü entendu les paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume. Et il dit à son père, bénis-moi aussi mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, et c'est parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il a supplanté. Qu'il m'a supplanté deux fois. Il a enlevé mon droit d'aînesse. Et voici maintenant, il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé des bénédictions pour moi? Oui, ce n'est pas lui. Vous voyez, ce n'est pas son père qui bénissait. C'est Dieu. La bénédiction n'était pas avec Isaac. La bénédiction s'est trouvée entre les mains de Dieu lui-même. C'est Dieu là qui l'avait méprisé. C'est Dieu qui lui avait donné les droits d'aînesse. Qui était la porte aux bénédictions. Et lui-même avait méprisé cela. Même quand il dit ici, mon frère m'a volé ma bénédiction. Non, c'est un mensonge. Jacob n'avait jamais volé la bénédiction. Lui avait vendu la bénédiction à son frère. Voyez, et Jacob lui avait acheté. Voyez, il avait vendu son droit d'aînesse par un plat de haricot. Voyez. Donc il ment ici. Parce qu'il ne comprenait plus l'acte qu'il avait posé. C'est ainsi que dans la vie de chacun de nous, il y a des petits actes qui semblent être négligeables dans notre vie, mais qui sont de grande importance et qui nous coûteront la vie. Voyez maintenant, il est en train de regretter. Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître. Par la bénédiction de Dieu. Et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et du vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Ésaü éleva la voix et pleura. Mais ses pleurs ne pouvaient pas changer les sentiments de Dieu. Même si son père pouvait compatir pour lui et compatir avec lui, mais il n'en pouvait rien parce que Dieu avait décidé comme ça. Isaac, son père, répond. Dit, et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel, d'en haut. Tu vivras de ton épée. Et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Verset 41, Esaü concit de la haine contre Jacob. Esaü akaanzisha chuki ndani na Yakobo. À cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Kwa sababu ya baraka ile baba yake alibariki naye. Et Esaü disait en son cœur. Na Esaü akaanza kusema ndani ya moyo wake. Le jour du deuil de mon père. Shiku. Mashiku. Le jour du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Dimanche, nous avons parlé suffisamment. Muyenga tursemia kabisa. De la source ya mwanzo ya chemchemu ou les causes qui amènent Israël et tous ses frères arabes à être continuellement en guerre. Au masababu unasukuma Israël na banduku yake barabu baba kipa kila wakati mvita. Nous avons montré dimanche que ce conflit interminable entre ces deux peuples est lié aux doubles bénédictions qu'Israël avait bénéficié de la part du Seigneur. Une bénédiction spirituelle baraka ya kiro, et deuxièmement une bénédiction matérielle. Na kia pili, baraka ya bitu. Nous vous avons dit dimanche turimionesha shiku ya enga, que l'amour de Dieu qui a porté les choix sur Jacob, ya kwamba mapendo ya Mungu ile iliweza kumchakula Yakobo, qui est devenu plus tard Israël, et l'une des causes de la haine de tous ses frères ici arabes. Ni mmoja masababu ya chuki ya baba nduku yake bote ba kiarabu. Regardez dans les écritures, dimanche je n'ai pas voulu lire beaucoup d'écritures. Mwangalia ta maandiko shiku ya enga shikupende kusoma maandiko ya mingi. Je suis en train de concevoir un tableau pour aider tout le monde. Et pour montrer toutes ces familles ici. Et c'est dans ce tableau-là où il y aura toutes les écritures sur lesquelles nous avons parlé dimanche. Et comme nous vous avons montré, que ça soit Ismaël, que ça soit Esaü, qui sont les pères des Arabes, aucun d'entre eux n'a eu la révélation du véritable Dieu. Dieu les avait caché sa face. Il ne s'est révélé qu'à Isaac, à Jacob, aux 12 tribus d'Israël, ceux qui ont le monopole de la révélation divine. C'est ainsi que vous remarquerez dans la conduite de tous les Arabes, ou que ce soit les musulmans, ce sont des idolâtres. Par manque de la révélation, ils adorent des idoles. Mais il n'y a qu'Israël qui a reçu la révélation divine, parce que Dieu s'était révélé à lui, qui a la véritable adoration. Et cela, c'est un problème entre les Arabes et Israël. Je pense que tout a été bien dit. Regarde comment Dieu parle à Ismaël. Dieu dit à Agar, c'est vrai, Je vais te donner une postérité. Et je vais te multiplier. Ta postérité sera très nombreuse. Qu'on ne pourra la compter. Mais comme tu as cette semence dans ton ventre, mais regardez les caractéristiques de cet enfant-là qui naîtra et de sa descendance. Il aura le comportement d'un âne sauvage. Et regardez dans son comportement, il sera opposé à tout le monde. Vous voyez, elle sera en face de ses frères. C'est pourquoi il y a des ordres. Vous voyez, il y a des ordres chez les Arabes. Il y a beaucoup de guerres. Il y a beaucoup d'opposition. Quand vous allez en Iran, vous allez en Irak, vous allez trouver, ce sont les mêmes frères. Des fois de la même famille, où ils sont des cousins, mais ils se combattent tous les jours ici. Il n'y a pas une région au monde qui est mouvementée en guerre comme le Moyen-Orient. Parce qu'il fallait que cette écriture s'accomplisse. Vous voyez bien mes frères. Vous voyez bien mes soeurs. Et maintenant, dans cette écriture que nous avons lue, Genèse 27, quand Esaü a vu qu'il n'avait plus de bénédiction pour lui, son frère avait tout ravi. Voyez, l'écriture est claire. Esaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Esaü disait dans son cœur. Heureusement, Dieu le voyait dans son cœur. Et Dieu protégea Jacob. Je vais le tuer pendant les jours du deuil de mon père, comme lui-même est déjà vu. Comme il est protégé par mon père, je ne saurai pas le tuer. Maintenant, quand mon père mourra et qu'on aura beaucoup de jours de deuil, nous serons ensemble, je vais lui régler le compte. Et lui ne connaissait pas le plan de Dieu sur Jacob. Vous voyez bien mes frères. Dieu avait déjoué ses plans, son plan. Vous voyez bien mes frères. Regardez dans le chapitre 28. Genèse 28. Quand Esaü vit qu'Isaac avait obéi, quand Esaü vit qu'Isaac avait béni Jacob, là c'est Jésus au verset 6, et qu'il avait envoyé à Pandaram pour y prendre une femme, et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Cananéens. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère et qu'il était parti pour Pandaram. Esaü comprit ainsi que les filles de Cana déplaisaient à Isaac son père. Pour montrer son opposition à son père, verset 9, Esaü s'en alla vers Ismaël. Et il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait prises, Malat, fille fils d'Ismaël. Akaua Mahalat, mtoto wa Ismaël. Ah, fils d'Abraham. Mwana wa Ibrahim. Vous voyez. Naona. Donc il s'est Esaïe à cause de la haine. Comme il ne voulait pas marcher dans les mêmes voies que son frère, il est allé faire alliance par la voie du mariage avec son frère Ismaël. Vous voyez, ce qui se ressemble s'assemble pour faire route ensemble. Parce qu'il n'était pas dans la bénédiction du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler d'Israël et de ses voisins. Quels sont les voisins d'Israël? On est en train de nous préparer les cartes. Pour que vous commenciez un peu à voir, hein, et que vous ayez l'idée. Dès que les cartes seront terminées, on viendra avec ça ici, on va commencer à les protéger. Les voisins d'Israël sont l'Égypte, le Liban, la Syrie, la Jordanie, la Cisjordanie, l'Arabie Saoudite, l'Irak est un peu plus éloigné, avec Iran, et il y a le Gaza. Je reprends. Les voisins les plus proches d'Israël, il y a l'Égypte. Il y a le Liban. Kuko, Liban. Troisièmement, il y a la Syrie. Syrie. Quatrièmement, il y a la Jordanie. Y a une kuko, Jordanie. Cinquièmement, il y a la Cisjordanie qui se trouve presque au centre d'Israël. Y a tano kuko, Cisjordanie, katikati ya Israeli. Il y a l'Arabie Saoudite. Kuko, Arabie Saoudite. C'est là où découle même les noms arabes. Donc, arabe. Arabie Saoudite. Arabie Saoudite. Il y a l'Irak. Selon le calendrier, selon le territoire que Dieu avait donné à Israël. Parce que l'Irak se trouve Mésopotamie. Et c'est de Babylone que Dieu avait sorti Abraham. Il y a l'Iran. Huitième, il y a Iran, qui est un peu plus éloigné avec Israël. Na Israeli. Mais sur le territoire que Dieu avait donné, ils sont côte à côte. Lakini muliki pande Mungu alimpatiaka Israeli bobe ko basha kuachana mipaka. Il y a le Gaza. Na kuko Gaza. L'Égypte dans la Bible. Misri katika ndani ya Biblia. Est appelé le pays de Cam. Inaitwa Égypte. Les autres disent Cham. Bengine bwana soma sema ni Cham. Le pays des Amalek. Incha ba Maleki. Les Amalek. Ba Maleki. Est un peuple nomade. Ni taifa moya batu bakawaya waya. Qui vivait dans le désert de Sinaï. Bale bako naishi mle mujangwa ya Sinaï. Le Sinaï. Sinaï. Fait la frontière avec le territoire d'Israël. Les Amalek et Sinaï sont des frères Nibanduku. Avec avec les autres Égyptiens. J'aime attirer votre attention sur une chose quand vous lisez la Bible. Le Moyen-Orient est partagé dans des petits groupes, des tribus, des familles, des royaumes. Dans la Bible, Dieu appelle une nation, soit par le nom de leurs ancêtres, soit par le nom de la ville où ils ont habité, ou soit par rapport au contrée qu'ils ont habité. L'Égypte dans la Bible est appelée comme le pays de Cam. Vous savez, vous tous, que Dieu, pour punir Israël, à cause de la haine qu'ils avaient manifestée contre leur frère Joseph, et l'avait vendu aux Arabes, Israël, et donc Joseph, a été vendu en Égypte, chez Pharaon, et arrivé de l'autre côté, en Égypte, Dieu l'avait béni. Dieu l'avait élevé. Et il était devenu un grand commandant, comme vous le savez. Et pour accomplir la promesse que Davait faite à Abraham, que ta descendance ira en captivité pendant 400 ans, et quand ils seront là, ils seront persécutés. Et pour accomplir cette prophétie, Dieu créa la famine dans le pays de Canaan, là où Jacob et ses frères habitaient. Et Dieu, à cause de Joseph, il bénit terriblement l'Égypte, de telle manière que tous les pays d'environ devaient aller chercher de la nourriture en Égypte et auprès de Joseph, qui était le frère, qui était le fils de Jacob, voyez, un enfant d'Israël. Vous voyez, lui qui avait reçu une grande portion de la bénédiction, ses frères, en les vendant, ils avaient l'intention qu'il mourra, mais Dieu les protégea, parce que toute chose marche selon le plan de Dieu. Frère, sœur, respectons seulement la parole de Dieu et craignons Dieu en toutes choses. La haine des hommes, les combats des hommes, la jalousie des hommes, tous les projets des hommes sur toi sont nuls et sans effet et ne peuvent anéantir le plan que Dieu a avec toi. Et Dieu l'a préservé. Il est devenu un grand roi, un grand patron. Et celui qui était à la source et qui distribuait la nourriture à tous les pays des environs. Et c'est en allant suivre la nourriture à cause de la famine qui était dans leur pays. Ils sont allés et ont été faits esclaves. Dans Psaume au chapitre 105, dans son verset 23, jusqu'au verset 27, Dieu dit ceci: alors Israël vint en Égypte, Jacob séjourna dans le pays de Cam. Il rendit son peuple très fécond et plus puissant que ses adversaires. Il changea leur cœur au point qu'il haïr son peuple et qu'il traitait ses serviteurs avec perfidie. Il envoya Moïse son serviteur et Aaron qu'il avait choisi. Ils accomplirent par son pouvoir des prodiges au milieu d'eux. Il fit des miracles dans le pays de Cam. Vous voyez, donc Dieu lui-même appelle l'Égypte comme le pays de Cam. Maintenant, qui est Cam? Cam est le fils de Noé. Ni mwana wa Noa. Vous voyez, Munaona? Noé a eu 3 fils. Noa alikuwa na watoto wanaume watatu. Il a eu Japhet. Alikuwa na Japhet. Il a eu Cam. Alikuwa na Cam. Et il a eu Sem. Na alikuwa tena na Sem. Maintenant regardez. Sasa angalieni. Ça, je ne saurais pas tout vous donner ici. Nitaweza kumpatia yote. Les fils de Japhet. Batoto ya Japhet. Actuellement, quand je vous parle ici, une grande partie occupe l'Europe. Une partie occupe l'Iran. Une partie occupe la Turquie. Une autre la Grèce. Il y a une autre partie qui est allé se réfugier là, en Russie. Vous voyez? C'est-à-dire, les enfants de Japhet se sont presque éparpillés, une grande partie dans l'Europe, et les autres sont allés un peu en Orient. Mais les enfants de Cam et ont occupé la partie sud, ici côté Afrique, où nous avons l'Égypte, il y a le Soudan, il y a l'Éthiopie, il y a la Libye, il y a l'Égypte, il y a le Soudan, il y a l'Éthiopie, il y a la Libye. Et une autre partie est allée se réfugier ou s'entremêler dans le royaume d'Assyrie. C'est-à-dire, des petites familles se sont éparpillées à partir de l'Égypte jusqu'en Iran. Vous voyez. Et ce peuple étaient des nomades. Surtout ceux qui habitaient les Amalek qui habitaient Sinaï. Et Dieu Namungu a allier l'histoire d'Israël avec Égypte. Vous voyez, ils sont partis. Israël est allé en esclavagisme. Il y a eu des guerres entre Israël et l'Égypte. Et il y a une promesse qui concerne l'Égypte par rapport à Israël. Nous verrons cela. Et un autre voisin qui est hostile. Vous voyez, Israël est pris en aversion par les Égyptiens. Ils ont des alliances hypocrites avec eux. Ils ont conçu de la haine dans leur cœur. Et il ne faut pas oublier que c'est de l'Égypte qu'Agar est venu. Et c'est de l'Égypte qu'Ismaël est allé épouser. Et il ne faut pas oublier qu'Ismaël avait de la haine contre Isaac. Il ne faut pas oublier cela. Et vous comprenez pourquoi l'Égypte est hostile. Est hostile à Israël. Vous voyez. Il y a le Liban. Pourquoi Liban? Le Liban, Liban est formé de la Phénicie. Il a tout la Phénicie. La Phénicie. Phénicie. C'est la partie qui c'est le territoire qui longe la mer Méditerranée. Hein? Du Liban actuel. Liban et le Liban est formé par les Tyr et Sidon. Na Liban na tungwa na Tyr na Sidon. Et il y a encore d'autres peuples. Na kuko tena batu bengine. Qui forment le Liban? Bale bana tungwa Liban. Le Gebal. Ba Gebal. Qui habite dans la ville de Byblos. Bale bana kala muji ya Byblos. Toujours là, au Liban. Maintenant, je ne vous ai pas d'autres détails. Parce que c'est typiquement historique, vous le comprendrez. Si je commence à développer ça, vous n'allez pas comprendre. Maintenant, pourquoi nous invoquons le Liban? Quand vous lisez dans le partage du pays que Dieu a donné à Israël, vous verrez que le territoire du Liban est l'héritage de la tribu d'Aser. Dieu avait donné ce territoire-là comme héritage à la tribu d'Aser. Selon Dieu, le Liban n'appartient pas aux Arabes. Le Liban appartient à Israël, à la tribu d'Aser. Et les Libanais ne peuvent pas apprécier Israël parce qu'ils savent que tôt ou tard, Israël peut venir récupérer ses terres. Même s'ils font semblant, comme eux aussi lisent les Écritures, ils connaissent l'histoire. Ils savent que Dieu, en partageant les territoires de Canaan, et il a pris une partie, il a pris le Liban. Et il a donné à Israël, et précisément à la tribu d'Aser. Et ils ne sont pas contents. C'est pourquoi ils sont hostiles à Israël. Voilà pourquoi il lui faut la guerre, parce qu'il voit dans Israël un opposant juré, un adversaire pour toujours. Vous voyez? Et dans la guerre de six jours, comme nous avons montré, déjà, Israël avait ponctionné quelques territoires au Liban. Quand vous arrivez à la frontière entre Liban et Israël, oui, comme je suis ici, le Liban, c'est là. Vous voyez le Liban là. Et même les coqs qui chantent là, vous écoutez. Même vous êtes ici en Israël. Même avec la Syrie, ce sont des voisins. Vous voyez, c'est un pays montagneux. Quand vous montez sur une colline ici, vous voyez ce qui se passe là-bas. Et les Libanais ne peuvent pas, apprécier Israël. Vous voyez? Et Dieu du ciel, cette haine-là qu'ils ont conçue contre Israël, Dieu a annoncé quelques paroles sur le Liban. Et nous verrons cela. Et le troisième voisin, c'est la Syrie. La Syrie qui a comme... capitale Damas. Quand vous allez dans les limites que Dieu avait données à Israël, vous remarquerez que la Syrie fait partie de l'héritage de Dan. Dan, enfant d'Israël. Vous voyez? Et dans la guerre de six jours, Israël a pris le Golan. Vous voyez, qui l'occupe jusqu'à ce jour. Et aujourd'hui, vous voyez, les Syriens sont toujours en guerre avec Israël. Regardez dans 2 Samuel. J'ai beaucoup d'écritures ici, je ne saurais pas vous les lire. Sinon, ça va vous embrouiller. Prenez quand même les explications, ça va vous aider plus tard. 2 Samuel, chapitre 8. 2 Samuel, chapitre 8. Dans son verset 6. David mit des garnisons dans la Syrie de Damas. Ce sont les garnisons, ce sont des camps. Des camps militaires. Et les Syriens furent assujettis à David et lui payèrent un tribut. L'Éternel protégeait David partout où il allait. Ici, quand vous lisez dans l'extension du royaume d'Israël pendant la période de David, vous pouvez lire tous les chapitres, vous voyez comment depuis ce temps-là, Israël avait humilié les Syriens. Et les Syriens payaient des impôts au royaume de David. Et les Syriens savent cela. Et la Syrie est l'héritage de Dan. Et à cause de cela, comme ils savent qu'ils sont dans le territoire de l'héritage de Dan, Dan qui est l'enfant d'Israël, ils savent qu'un jour, les choses peuvent barder, ils peuvent récupérer d'autres territoires. C'est pourquoi ils ne peuvent pas aimer, Israël. Le quatrième voisin, c'est la Jordanie. La Jordanie est composée Jordanie na tungwa de Moab, na Moabu, de Dom, na Dom et d'Amon. Na Amon. Vous voyez naona. La Jordanie. Jordanie. Ceux qui occupent la Jordanie, c'est Amon. Ni Amon. Il y a Moab. Kuko Moabu. Et il y a Edom. Na kuko Edom. Vous connaissez ce que d'où vient Moab. Munajua Moab unatokea wapi? Et vous connaissez d'où vient Amnon. Na munajua kule Amon unatokea wapi? Et vous connaissez d'où vient Edom. Na munajua takule Edom unatokea. Quand nous allons dans les Écritures, mandiko, vous allez voir ona, que Moab et Amnon, Moabu na Amon font partie de l'héritage de Manassé, de Gad et de Ruben. Ya Manassé, ya Gad, na ya Ruben. C'est Dieu qui a donné leur territoire et l'a partagé à ses trois fils. Na Arikabula, yoku, trois fils bale, et d'abord d'Israël. Ça, vous pouvez le lire dans 2e Chronique, chapitre 20. Dans son verset 1 et 2. Et prenez Genèse aussi, chapitre 19. Verset 37. Et prenez aussi la Genèse, chapitre 36. Ah, je ne vais pas lire tous ces versets parce que cela va me prendre beaucoup de temps. Récupérez cela, vous allez lire à la maison. Deuxième Chronique 20, verset 2, Genèse 19, à verset 39, Genèse 36, commençons au verset 1, allez jusqu'au verset 32. Et voilà ce qui forme la Jordanie qui est toujours voisin à Israël. Et tous ces gens ici sont dans la chair des frères d'Israël. Vous voyez, Edom, Moab, Amnon sont des frères dans la chair. Seulement, ils n'ont pas la bénédiction de Dieu. Ils se sont appuyés du mauvais côté, du côté d'Esaü et du côté d'Ismaël. Et Dieu les a coupés la bénédiction spirituelle. Ils sont en alliance avec l'Égypte, avec l'Arabie Saoudite, avec la Syrie, avec le Liban, avec le Yémen. Parce que c'est là où ils se sentent à l'aise. Et ils voient en Israël leur ennemi juré. Et il y a le cinquièmement, la Cisjordanie. Qu'on appelle communément la Samarie et la Judée. La Cisjordanie fut habitée par les Cananéens. Vous voyez. Et c'est dans la Cisjordanie où il y a des grandes villes de Palestiniens, des Philistins. Comme Naplouse, Ramallah, Hébron, Jéricho. Vous voyez, naona, ces villes ici, où ce territoire de la Cisjordanie se trouve au milieu du territoire d'Israël. Mais malgré ça, bien que la police, la police qui sécurise la Cisjordanie appartient aux Palestiniens, mais ceux qui font la sécurité extérieure, ce sont les militaires. Ce sont les militaires d'Israël. Donc il faut être là pour comprendre ce que je suis en train de dire. Les policiers sont des Palestiniens. Tandis que les militaires sont les Israélites. C'est pourquoi vous voyez quand les terroristes terroristes vont se cacher en Cisjordanie. C'est Israël qui entre avec les chars pour aller chercher les terroristes. Ils sont sous le contrôle d'Israël. Et même leur économie, l'économie de la Cisjordanie, dépend entièrement d'Israël. Si Israël fermait ses frontières, ces Palestiniens ici ne peuvent pas résister. Il ne peut pas résister. C'est pourquoi de temps en temps, la communauté internationale demande à Israël d'ouvrir ses portes pour faire passer de la nourriture et de l'aide. Ce sont des contrées ou des pays qui vivent dans son entièreté de l'aide extérieure. Et la Cisjordanie est l'héritage de Judas. Vous voyez, quand Dieu a distribué la terre, il a donné le pays à Israël, la Cisjordanie, comme héritage, il a distribué à Judas. Et les Palestiniens savent aussi ça. Voilà pourquoi ils sont en guerre avec Israël. Il y a l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite est composée des Madianites et des Ismaélites. C'est-à-dire la race propre des Ismaélites et des Madianites se trouve en Arabie Saoudite. C'est dans le Madian que Moïse est allé se réfugier quand il avait fui l'Égypte. Arrivé dans le pays de Madian, il est allé se réfugier chez Jethro, et c'est là où il avait épousé sa femme Séphora. Vous voyez. Et les Madianites et les Ismaélites sont tous arabes et sont tous dans une alliance. Les Madianites habitent le nord-ouest de l'Arabie Saoudite. Et même quand Israël quittait l'Égypte, il est passé par leur territoire. Vous voyez, vous pouvez lire cela dans Exode 2. Notez cela, vous allez le lire à la maison. Dans Exode 2, verset 15 et 16. Dans Exode 3, verset 1. Dans Genèse chapitre 37, verset 27. Genèse chapitre 37, verset 27, et même verset 28. Ça, ce sont les Madianites. Genèse chapitre 16, verset 16. Notez cela. Maintenant, après la Cisjordanie, quand vous allez un peu plus loin, il y a l'Irak, dont la capitale anciennement était Babylone, à Mésopotamie. L'Irak est formé par Iram. Il y a une partie des Syriens, ce qu'on appelait anciennement Assyrie, et cette partie-là, il y a une autre qui est attaché à l'Iran. Amram et Hiram sont toujours les frères de d'Israël. Mais qui se sont associés avec les ennemis d'Israël. Qui se sont associés avec les enfants d'Ésaü pour s'opposer à Israël. Parce que dans le territoire que Dieu avait donné à Israël, il y a une partie d'Iran qui appartient à Israël. Et le savent aussi. C'est comme des locataires qui sont assis sur une terre d'autrui. Et dans leur cœur, ils pensent qu'un jour, le propriétaire viendra. Et pour empêcher le propriétaire de venir récupérer ce territoire, ils doivent lui faire la guerre afin de le tenir éloigné pour que reste dans leur territoire. Il y a l'Iran, une partie qui est habitée par l'Iran, c'est l'ancien royaume des Médo-Perses, où il y a encore plusieurs familles de tous les enfants de Noé, mais qui ne se sont pas retrouvés du bon côté, mais qui se sont retrouvés du côté arabe et qui ont aussi fait alliance avec les ennemis d'Israël. Et là, il y a l'Afghanistan, la Turquie, le Pakistan. Pakistan. Voyez, non. C'est eux qui abusent ces contrées-là. Et il y a le Gaza, qui est effectivement le territoire des Philistins. Mais le Gaza aussi, c'est l'héritage de Judas, qui n'avait pas conquis quand il sortait de l'Égypte. Quand ils sont entrés dans le pays de la promesse en Canaan, Dieu avait donné cet héritage-là à Judas. Ils avaient combattu partout. Ils avaient gagné le terrain. Mais arrivés à Gaza, comme ça semblait un petit territoire, c'est là où les Philistins s'étaient réfugiés. Et non. Quand les Philistins ont vu ce qu'Israël avait fait à leurs frères, à d'autres pays, à d'autres nations, ils sont venus par ruse pour dire à Israël: nous sommes convaincus que ce territoire vous appartient. Nous sommes convaincus que Dieu vous a donné ce territoire. Mais maintenant, nous acceptons votre autorité. Ne nous tuez pas. Laissez-nous avec enfants, avec femmes et enfants. Nous tous, nous serons vos serviteurs. Nous-mêmes, nous te servirons. Nous vous servirons. Nos femmes vous serviront. Et nos enfants vous serviront. Ils ont fait cela par ruse. Maintenant, les tribus de Judas, quand il avait à écouter ces paroles de ces Philistins, ils avaient arrêté de les conquérir. Et pourtant, Dieu leur avait dit: quand vous entrerez là-bas, vous devez vouer ce pays à l'interdit. Tuez même les bébés. Ne laissez aucun Philistin vivant. Parce que si vous laissez un Philistin vivant, il vous fera la guerre plus tard. Ça sera les épines dans vos yeux. Effectivement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Voyez bien, mes frères et sœurs. Et Israël est tombé dans les pièges de ces Philistins. Ils les ont laissé la vie. Et le Philistin, en servant Israël, ils étaient en train d'observer où se trouve la faiblesse d'Israël. C'est ainsi que les Philistins s'organisèrent pour commencer à leur donner leur fille en mariage. Et c'est la chose que Dieu n'a jamais appréciée. Parce que Dieu avait dit à Israël, vous êtes un peuple mis à part, vous êtes un peuple séparé, vous ne pouvez pas vous lier par alliance, par la voie du mariage à d'autres nations. Ils n'ont pas compris. Et aujourd'hui, même Israël en souffre. Vous voyez bien mes frères. Vous voyez bien mes soeurs. Et la souffrance n'a même pas commencé aujourd'hui. Non. Le Gaza. Souvenez-vous de l'histoire. Vous voyez, de Samson. Regardez tous les héros d'Israël. La plupart d'entre eux sont tombés dans le Gaza. Pourquoi? Parce qu'il avait négligé la parole de Dieu. Il en est ainsi avec un chrétien. Quand Dieu nous demande de nous repentir, de faire mourir à nous toutes sortes de démons, ne faites pas compromis avec un démon dans votre vie. Ne faites pas un compromis avec un péché dans votre vie. Ou la semaine, Akatuni Kanzambi Kaloko, Akatali Fona Kintu, Mukone Jilanda, Kale Kanzambi Kale, Kata Komea, Jokata Kupika Chin. C'est ce qui va te terrasser. Vous voyez bien, mes frères. Vous voyez bien, mes sœurs. On ne négocie pas avec des démons. On ne négocie pas avec les péchés. Comment on a quitté Kimoya? Qui connaît où Jimaïcha Yako? Namouenendu Yako ou Christ? Oui, qui combanisse? Pas capable en bas qui t'a quoi t'a fouaché. Je sais que ça va te laisser tranquille. Mais aussi longtemps que tu as savu, on a négligé, on a sema. Mais ça ne peut rien me faire. Ce qui va t'amener même la mort. J'aime un peu résumer la pensée d'aujourd'hui pour que tout le monde comprenne. Tous ses voisins d'Israël, selon la parole de Dieu, selon le maître, le créateur de l'univers, tous ses voisins ici occupent les pays ou les territoires du pays d'Israël. Ça c'est un. Ils sont là illégalement. Deux, comme ils savent qu'ils occupent le territoire d'Israël illégalement et que Dieu ne leur avait pas donné cela, ils ont fait un front commun. Voyez, ils sont dans une alliance contre Israël, les propriétaires du pays. Vous voyez, c'est ainsi qu'ils lui font la guerre tout le temps avec l'intention de le faire disparaître de son territoire pour qu'il occupe l'entièreté de ce territoire. À ce moment-là, il n'y aura plus personne qui viendra réclamer les réclamer les endroits où ils habitent. Vous voyez bien mes frères, parmi tous les enfants d'Israël, vous voyez, ou parmi, okay, parmi tous les enfants d'Abraham, parmi tous les enfants d'Abraham, il n'y a qu'Israël à qui Dieu a donné un pays avec des limites précises. Quand vous lisez et vous regardez du côté d'Ismaël, Dieu ne lui a pas donné un territoire. Vous voyez, regardez Esaü, Dieu ne lui a pas donné un territoire. Regardez l'écriture que nous avons lue au début là. Dieu lui dit, tu seras errant. Tous ceux qui n'ont pas de territoire que Dieu leur a donné sont des errants. Oui, bien mes frères, pendant qu'ils sont en train d'errer, s'ils trouvent de l'opposition quelque part, ils font la guerre. Vous voyez, c'est la nature, c'est le comportement. Vous voyez, en dehors d'Israël, que ce soit les enfants de Ketura, que ce soit les enfants d'Esaü, que ce soit les enfants d'Ismaël, que ce soit les enfants de Noé, d'autres enfants de Noé qui sont nombreux, il n'y a aucun pays, il n'y a aucune famille à qui Dieu a déterminé d'une manière claire et précise le pays que lui devait occuper. Mais Dieu l'a fait avec Israël. Pourquoi? Parce que c'est lui qui l'avait séparé. Vous voyez? Et il fallait qu'Israël comprenne que dans mon territoire que j'habite, dans le territoire que Dieu m'a donné, je ne dois pas cohabiter avec les autres nations, avec d'autres peuples. Israël doit comprendre cela. Comme un véritable chrétien aujourd'hui, notre véritable territoire, c'est la parole de vérité. Maintenant, ayant reçu la révélation de la parole de la vérité, nous ne devons pas faire des compromis avec des mensonges. Nous ne devons pas cohabiter avec des fausses doctrines. Nous devons combattre tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, tout ce qui est contraire à notre héritage, tout ce qui vient habiter pour corrompre notre territoire, pour corrompre notre parole. Nous devons combattre cela. Nous devons occuper notre territoire dans la liberté. C'est Dieu qui nous l'a donné. Ce ne sont pas les hommes. Non, bien aimé frère, la révélation de la parole que nous recevons, que nous avons reçu dans cet âge ici, vient directement de Dieu lui-même. Dieu ne l'a pas fait avec les dénominations. C'est pourquoi aujourd'hui, un frère ou une sœur qui ne comprend pas encore ces choses, mais qui se compare avec les dénominations, c'est un maudit. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas la place privilégiée que Dieu lui a donnée. Oui, bien-aimés frères. Oui, bien-aimés sœurs. Tu diras, les dénominations aussi adorent Dieu. Oui, oui. Mais ils n'adorent pas le véritable Dieu. Voyez, c'est eux qui disent qu'ils adorent le Dieu d'Abraham. Vous voyez? Mais ils n'adorent pas le Dieu d'Abraham. Oui, bien-aimés frères. Ils adorent les idoles. C'est comme les Arabes. Ils disent ils adorent le Dieu d'Abraham, mais en réalité ils adorent le Dieu lune, le Dieu soleil. Ce sont des idolâtres. Mais seul Israël, celui qui a la vérité, parce qu'il a reçu la révélation du Dieu Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous comprenez? Donc, tous ces voisins ici occupent le territoire qui appartient à Israël. Ils n'ont pas les documents de propriété que Dieu leur a donné. Mais ils veulent à tout prix donc exterminer, chasser les propriétaires du territoire pour qu'on occupe. Et c'est là d'où vient la haine. Mais Dieu va s'occuper d'eux. Le temps viendra où Dieu va s'occuper d'eux. Et vous verrez les prophéties à partir de demain qui les concernent. Que Dieu vous bénisse. Inclinons nos têtes. Je voudrais savoir, est-ce que vous avez compris? Relevez d'abord, relevez vos têtes. Qui n'a pas compris la pensée d'aujourd'hui? Qui n'a pas compris la pensée d'aujourd'hui? Israël et ses voisins. Pourquoi tous ses voisins sont contre lui? Pourquoi il y a toujours tant de guerres? Avez-vous tous compris? Merci. Entrons nos têtes. J'invite l'ancien. Bwana mfalme na mokozi Yesu Kristu. Seigneur, roi et sauveur Jésus Christ. Aksante. Merci. Kwa maneno yote unetupatia. Pour toutes ces paroles que tu nous apportes. Na kitu moya unapenda utufunulia ni iki Seigneur. Et une chose que tu veux nous révéler c'est ceci Bwana. Weye aliweka Israël mumipaka fulani. Qui a placé Israël dans ses limites. Njoo weye mkututosha mudunia na makanisa mbalimbali. Et toi, en faisant sortir du monde et des dénominations. Urupenda kutuweka ndani ya neno la kweli. Tu as voulu nous placer dans la véritable parole. Utusaidie kila mmoja ile mawazo ile neno ipate kutushika. Aide-nous que à chacun de nous que ces paroles puissent nous saisir. Vile vile Israël comme ne kusongwa na baadui. Kando yake, comme Israël est tourmenté par les ennemis tout autour de lui. Njovilo kune tukalamusha na kutonesha kusema. C'est comme ça qu'il nous avertit en nous disant. Shetani ekune tuzunguluka comme sawa simba. Nous entoure comme un lion tout autour de nous comme un lion. Na one tuambia résiste lui avec une foi ferme. Et toi tu nous dis mushindane naye na imani ya imara. Tusaidie. Aide-nous. Maisha yetu yote pate kuya kile neno lako inasema. Que toute notre vie soit ce que dit ta parole. Ni bia kweri sabatu historia inaweza kuya. C'est vrai comme des hommes disent. Ya nguvu kuelewa. Peut-être difficile à comprendre. Na kiachi kubamba ni akusema. Mais ce que nous devons nous retenir c'est. Ulari chakula Israel njo lari tu chakula. Celui qui a choisi Israël c'est celui-là qui nous a aussi choisi. Saidia kila mmoja. Aide chacun de nous. Na bariki mtumishi wako. Et bénis ton serviteur. Mujie na Bwana Yesu Kristo. Dans le nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Tunafika.